l'amour, c'est du sucre et du miel et de la réglisse. Et de la réglisse. Y a de la lumière et de la musique au café des deux billards. Dans la grande salle, une cerise à l'eau de vie. T'as l'air gentil, donne-moi le bras. Il tombe un de ces brouillards. Mes escarpins me font si mal. Toute la nuit. Bonsoir, mon doux visiteur de la pluie. Sais-tu que l'amour, c'est du sucre et du miel et de la réglisse. Pied bleu de ma petite chambre, tu verras, y a des voiliers. On les regardera, on voyagera tous les deux, on ira très loin. Quand au matin, sur le boulevard, que toi et moi, on n'aura plus dans les yeux tant de chagrin. Bonsoir, mon doux visiteur de la pluie. Sais-tu que l'amour, c'est du sucre et du